بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite. Un guide et une bonne annonce aux croyants. Qui accomplissent la salate, acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leurs actions, et alors ils deviennent confus et hésitants. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment, tandis qu'ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Rappelle quand Moïse dit à sa famille « J'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. » Lorsqu'il y arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ya Moussa, innahu ana Allahul Azizul Hakim. Ô Moïse, c'est moi, Allah le Tout-Puissant, le Sage. Wa alqi 'asak. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour fuir, sans revenir sur ses pas. « N'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi. » Sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien. Alors je suis pardonneur et miséricordieux. إنهم كانوا قوما فاسقين. Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal, un des neuf prodiges à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Et lorsque nos prodiges leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Et ils dirent, louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Salomon hérita de David et dit, « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. » Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Il sourit, amusé par ses propos, et dit « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. » وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Puis il passa en revue les oiseaux et dit, pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit « J'ai appris ce que tu n'as point appris et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. » إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin, et ils ne se sont pas bien guidés. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fis-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? Allah, la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Alors Salomon dit, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. La reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Elle vient de Salomon et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Elle dit, ô notable, conseillez-moi sur cette affaire, je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent pour me conseiller. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Ils dirent, nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable, le commandement cependant t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Elle dit, en vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la corrompent et font de ses honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. وَإِنِّي مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون. Puis lorsque la délégation arriva auprès de Salomon, celui-ci dit : Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider ? Alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré ? Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Retourne vers eux. Nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons, toutes humiliées et méprisées. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Il dit : Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'ils ne viennent à moi soumis ? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Un djinn redoutable dit : Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit: Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit : Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même. Et il est généreux. Et il dit encore : Rendez-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Quand elle fut venue, on lui dit : Est-ce que ton trône est ainsi ? Elle dit : C'est comme s'il l'était. Salomon dit : Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. On lui dit: entre dans le palais. Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit: ceci est un palais pavé de cristal. Elle dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Nous envoyâmes effectivement vers les Tamoud leur frère Sali, qui leur dit: adorez Allah. Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Il dit: ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah, peut-être vous serait-il fait miséricorde. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. Ils dirent: nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. Il dit: votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Ils dirent: jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger: nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Et rappelle-leur, Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à la turpitude, l'homosexualité, alors que vous voyez clair ? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Vous allez aux hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs ? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Puis son peuple n'eut que cette réponse : expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme, pour qui nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenus. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Allah خير أما يشركون. Dis, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ce qu'il lui associe ? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté ? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Non. Mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération, Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait et qui vous nourrit du ciel et de la terre ? Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'autre monde. Ils doutent plutôt là-dessus. Ou plutôt ils sont aveugles à son sujet. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Et ceux qui ne croient pas disent, est-ce que quand nous serons poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir de nos tombes ? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Certes, on nous l'a promis, à nous et à nos pères, auparavant. Ce ne sont que des contes d'anciens. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Et ne t'afflige pas sur eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Et ils disent, pour quand cette promesse si vous êtes véridique ? Dis, il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Certes, ton Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines et ce qu'ils divulguent. Et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Cependant, qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Ton Seigneur décidera certes entre eux par son jugement. Et il est le Tout-Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. Puis, quand ils seront arrivés, Allah dira: Avez-vous traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Et la parole leur tombera dessus à cause de leurs méfaits et ils ne pourront rien dire. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. N'ont-ils pas vu qu'en vérité, nous avons désigné la nuit pour qu'ils y aient du repos et le jour pour voir? Voilà bien des preuves pour des gens qui croient. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Et tous viendront à lui en s'humiliant. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvriez ? Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifié, et à lui toute chose, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Et de réciter le Coran. Quiconque se guide, c'est pour lui-même en effet qu'il se guide. Et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis que l'un des avertisseurs. Dit, louange à Allah, il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.